Ken ils promettent la lune et ça ça te rend ouf. C'est pas dans un 5 étoiles que tu verras la grande ours. Quand t'es en couple t'investis, quand c'est mort qui rembourse. Je vais là où mon cœur m'emmène, là où le vent souffle. Plonge pas dans ma rétine, j'ai le regard vide. Si les remords me guettent des trop, je ferai teinter les vitres. Bâtiment à fleur de peau, donc assez sensible. Bavure sur un noir, donc l'histoire est classée sans suite. On s'en fout, puis l'on chicha au sandwich. On tombe pour défaut de permis, ressort pour bonne conduite. Embrouille, on douille, ouais on sait à qui faut s'en prendre. Ton concert est annulé, mais nous, on voulait pas t'entendre. On restera têtu, du berceau au linceul. Les sons sont trop crus, les végétariens m'en veulent. Punchline sur punchline, j'deviens un cas isolé. Aucun billet de 500 fera taire une femme violée. Dans notre croix, y'a de la violence urbaine. Et c'est la haine qui m'empêche de dormir. Hommage aux frères qui sont partis en guerre. Car on sait qu'ils vont pas nous revenir. Tu piques tant qu'il en faut, c'est pour mes gars, mes proches, mes potos. Si on décide d'une vengeance urbaine, sache que les gueux pourront pas nous retenir. Dans le calendrier de la misère, y'a jamais rien à fêter. L'école m'arrose d'intelligence, mais j'ai quand même séché. Les critiques, mes ambitions, laisse-les parler, c'est clochard. Nous on reste mariés à la rue jusqu'à que la reste nous sépare. Baby sauve-les, aide-les à faire des singles. Maman était pauvre, je veux commentaire, pas loin du Lidl. C'est vrai que c'est cher les obsèques, mais c'est gratuit un sourire. On a des rêves de gosses devenus adultes qui veulent pas mourir. Au bled ils rêvent de venir, nos parents rêvent de revenir. Ça me plaît pas ce que j'ai été, mais je serais ce que je voulais devenir. Où est-ce que je me situe? Résonne les frères qui prient plus. Des vertus bon marché, ma paire de Nike me suit plus. Enfant du peuple, enfant d'ici ou d'ailleurs. Je vais pas marcher sur les champs pour prouver que j'ai de la valeur. Et même si tout le monde fuit, baby lui va rester. Même si Lucie a pris mon lit, rien ne m'empêche de rêver. Dans notre foi, y'a de la violence urbaine. Et c'est la haine qui m'empêche de dormir. Hommage aux frères qui sont partis en guerre. Car on sait qu'ils vont pas nous revenir. Tu piques tant qu'il en faut, c'est pour mes gars, mes proches, mes potos. Si on décide d'une vengeance urbaine, sache que les gueux pourront pas nous retenir.